إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue aujourd'hui avec le cours 44 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé donc à l'explication des points qui ont rapport avec la foi en le jour de la résurrection, Al-Ba'ath, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les corps après leur mort et les faire sortir de leur tombe avant le jugement dernier. Et ça, c'est une réalité, hein, c'est une réalité qui yani, parfois échappe certaines personnes. Parce qu'on prend, disons, on est tellement préoccupé par les affaires de la dunya qu'on oublie l'au-delà, on oublie l'akhira. Et on oublie que, justement, on va être pris pour compte pour chaque parole, pour chaque action. Et que Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter et nous juger pour ce qu'on a fait. Hein? Donc, si parmi les croyants, parfois il y en a qui sont un peu insouciants, ou qui néglige ou qui oublie des choses par rapport à ces choses-là, eh bien, imaginez l'état des koufars et des mushrikines et des autres gens qui yani, ne croient pas en ça, ou bien ne sont même pas au courant ou ne sont même pas conscients de ça du tout. Donc ces gens-là, franchement, c'est de notre devoir de leur rappeler, hein, de leur rappeler qu'ils devront se tenir un jour devant leur Seigneur pour rendre des comptes. Et on voit ça dans beaucoup de versets dans le Coran. Donc le Cheikh, il explique, il mentionne justement d'autres versets qui sont mentionnés, comme le verset 17 et 18 dans Surat Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a fait pousser de la terre comme des plantes, puis il va vous faire retourner dans cette terre, et puis ensuite il va vous en faire ressortir par la suite. Donc le Cheikh, il explique cela. Il dit: والله أنبتكم من الأرض حينما خلق منها آدم عليه السلام ثم يعيدكم فيها أي بالموت والقبور ويخرجكم إخراجا. وهذا هو البعث، يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر. قال تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أي تحيون على ظهرها وفيها تموتون ومنها تخرجون للبعث يوم القيامة. Donc le Cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il vous a fait pousser, il vous a créé comme lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, il a créé Adam à partir de la terre. Il l'a formé, il l'a modelé à partir de la terre. Puis ثم يعيدكم فيها, lorsque vous allez mourir, il va vous faire retourner dans cette terre par la mort, et il va vous enterrer dans cette terre. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا, et ensuite il va vous en faire ressortir, c'est-à-dire, hein, avec la résurrection, il va vous faire sortir de vos tombes, et puis vous allez tous vous diriger vers Al-Mahshar, c'est-à-dire le lieu de rassemblement. قَالَ تَعَالَى قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ, c'est sur cette terre que vous allez être يعني c'est sur celle-ci qu'on va vous donner la vie, qu'on va vous faire vivre. وفيها تموتون, et c'est dans cette terre que vous allez mourir, quand on va vous enterrer. ومنها تخرجون, et c'est de celle-ci qu'on va vous faire sortir par la suite. Le verset 25 dans Sourate Al-A'raf. Donc vous vivez sur le dessus de la terre, et quand vous mourrez, on vous enterre dedans, et à la suite, au jour de la résurrection, on va vous en faire ressortir encore une fois. هذه من أدل هذه أدلة من القرآن على البعث, وأيضا يوجد دليل عقلي من القرآن نفسه, وهو أن الذي قدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى. هذا دليل سمعي عقلي. Donc le cheikh il explique que dans le donc ça c'est une preuve du Coran qu'on vient de mentionner. Il y a aussi d'autres preuves qui sont des preuves qui sont rationnelles et qui sont mentionnées dans le Coran pour prouver qu'il y a une résurrection et que c'est quelque chose de possible. Et que celui qui est capable de créer toute chose, yani à partir de rien, la première fois, il est capable de le refaire encore plus facilement la deuxième fois. Celui qui a créé les hommes et qui a créé toute chose à partir de rien, c'est très facile pour lui de le refaire une deuxième fois, plus que la première fois même. Et il mentionne le verset 27 dans Sourate Rum à ce sujet. C'est lui, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a débuté, qui a commencé la création, puis ensuite qui l'a refait. Et c'est encore plus facile pour lui. Wa huwa ahwanu alayh. Ahwan, ça veut dire, ça vient de hayyin, quelque chose quand il est hayyin, ça veut dire c'est très facile. Mais ahwan, c'est dans le sens de quelque chose qui est encore plus facile. Comme tu dis par exemple, c'est la forme quand tu dis af'al, la forme d'un verbe, lorsque tu le mets sur af'al, ça veut dire que ça devient plus facile encore, ou plus, comme tu dis, superlatif. C'est comme akbar, kabir, ça veut dire grand. Akbar, ça veut dire plus grand. Donc tu dis hayyin, awhan, ou ahwan, pardon. Ahwan, ça veut dire encore plus facile. Donc, أهون وهو أهون عليه. الذين, donc, c'est encore plus facile que la première fois. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a parti le meilleur exemple dans les cieux et sur la terre, et c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Et c'est lui qui a le pouvoir de créer les hommes à partir de rien la première fois, et donc pour lui de le faire une deuxième fois après la mort, c'est encore plus facile. Et tout est facile pour Allah déjà. Même la première fois, c'est facile, mais c'est juste quand on dit plus facile, dans le sens que, pour nous faire comprendre que, sur le plan, même si on le prend logique, par rapport aux êtres humains, même lorsque, par exemple, on veut faire quelque chose, c'est toujours, le plus difficile, c'est toujours de le faire la première fois. Comme quand on veut créer n'importe quelle chose, ou produire, ou fabriquer un appareil, par exemple, un appareil comme ça ou n'importe quel autre appareil, c'est toujours le prototype qui est le plus compliqué à faire, le plus cher. Mais une fois qu'on a fait le prototype, après le reste c'est juste des répétitions, yani. Donc c'est un exemple pour nous faire comprendre que si c'est comme ça pour les êtres humains, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus facile pour lui. Walahul mathalul a'la, c'est ça ce que ça veut dire, lahul mathalul a'la. Et donc ça c'est une preuve rationnelle, et c'est une preuve dans la révélation qui est basée sur la raison. ومن الأدلة على البعث ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات وأنت ترى الأرض ميتة ليس فيها نبات جرداء ثم إن الله سبحانه وتعالى ينزل عليها المطر ثم ينبت النبات الذي كان هشيما ميتا كذلك الأجسام في الأرض كانت مخزنة في الأرض، فينزل الله عليها مطرا ثم تنبت الأجسام وتتكامل ثم تنفخ فيها الأرواح. فأنتم ترون الأرض كيف تكون قاحلة ثم تحيا بما نبت فيها. Donc le Cheikh il dit parmi les preuves également de la résurrection, c'est qu'est-ce qu'on voit par rapport à la terre et les plantes qui sont dessus. Tu vois par exemple que des fois la terre elle est sèche, elle est morte, il y a plus de vie dessus, il y a plus de plantes, les fleurs sont mortes, les herbes sont mortes, et même ici par exemple l'hiver on voit que les feuilles tombent à l'automne. Il n'y a plus de feuilles dans les arbres, et ainsi de suite. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tomber la pluie sur cette terre qui est asséchée, et puis tu vois que tout d'un coup les plantes reviennent. Et surtout si vous allez dans le désert par exemple, vous allez voir que dans des déserts ou dans des endroits asséchés, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien. Mais le jour qu'il y a une pluie qui tombe, tu vois le lendemain c'est verdoyant. C'est rempli de fleurs et d'herbes. Subhanallah. Donc, pourquoi? Parce que des fois, les graines de ces plantes sont entrées dans la terre. Puis, justement, lorsque l'eau tombe, eh bien, ça fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que ces plantes-là ressortent comme ça subitement. Donc, ça veut dire que, de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire revivre cette terre qui est morte, il est capable de faire revivre les morts après qu'ils soient enterrés puis qu'ils soient décomposés dans la terre. Et comme au printemps aussi, ici c'est la même chose, la nature revient à la vie, et bien c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire revivre les êtres humains. Allahu jalla wa ala huwa allazi yahya يحيي الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها، لأن الكل أحياء بعد الموت. Donc يعني il mentionne un autre verset, le verset 39 dans sourate Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi ces signes c'est que tu vois que la terre elle est complètement asséchée et craquée, et il fait descendre sur cette eau, il fait descendre sur cette terre une eau, une pluie, et puis tu la vois qui gonfle et qui augmente et puis qui commence à faire sortir des plantes et des choses comme ça, comme si elle revient à la vie. Eh bien, celui qui a fait revivre cette terre, c'est lui qui fait revivre les morts. Et il a certes le pouvoir sur toute chose. Donc ça, c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et cet exemple-là qu'il nous donne, c'est pour nous faire comprendre. Parce que les êtres humains, souvent, ils ont besoin d'exemples pour comprendre des choses. Et donc il nous donne ces exemples-là pour nous faire comprendre ce qui a rapport avec ça. Donc il est capable de faire revivre les corps de la même manière qu'il a fait revivre la nature après sa mort. ومن الأدلة على البعث أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق الناس عبثا حيث إنهم يعيشون منهم المطيع المتقي المؤمن بالله ورسله ومنهم الكافر الملحد والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي كلهم يعيشون ثم يموتون دون أن ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه أو ينال هذا الكافر وهذا الزنديق وهذا الملحد وهذا الطاغية المتجبر على الناس دون أن ينال جزائه. Donc le Cheikh il dit parmi les preuves de la résurrection c'est que s'il n'y avait pas de résurrection, eh bien ça impliquerait que Allah a créé les créatures pour rien, sans qu'il y ait un but ou une sagesse derrière. Et ça voudrait dire que la personne qui est croyante et qui est obéissante à Allah, qui est croyante, qui est obéissante et qui craint Allah et qui croit en Allah et en ses messagers, lui il vit sa vie, et les autres qui sont koufars ou qui sont athées ou qui sont hérétiques ou qui sont injustes ou tyranniques ou pécheurs, alaykoum salam wa rahmatullah, ils vivent leur vie, puis les deux ils meurent, puis il n'y a pas de récompense pour celui qui a fait le bien et qui a été pieux et qui a craint Allah toute sa vie, qui a été honnête et juste, et il n'y a pas de punition pour celui qui a été mécréant et qui a été hérétique et qui a fait de l'injustice et qui a été tyrannique envers les gens. Donc ça c'est quelque chose qui est absurde. فهل يليق بالله أن يترك الناس هكذا دون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم وأهل الإحسان بإحسانهم وهل وأهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم؟ هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا لا يكون إلا في يوم القيامة. وكذلك في قوله سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ورد على الكافر الذي قال من يحيي العظام وهي رميم بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Donc le cheikh il explique, il dit donc il ne convient pas de dire que Allah subhanahu wa ta'ala va laisser les hommes de cette façon. Celui qui fait le bien, il meurt puis c'est fini. Celui qui fait le mal, il meurt puis c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça veut dire que les deux, ils meurent puis c'est fini. Ça veut dire celui qui a été honnête et bien et juste et qui a cru en Allah, il est la même chose que celui qui a été injuste, malhonnête et qui a rejeté la foi en Allah et qui a fait le shirk toute sa vie. Et ça c'est pas quelque chose qui convient qu'on attribue ce genre de choses à Allah, puisque ça nie la sagesse divine. Ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qu'il a créé pour rien, sans qu'il y ait un but et une sagesse divine derrière. On n'a pas le droit de dire ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça ce que croient les kuffars. C'est ça ce que croient les kuffars à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est complètement absurde. Parce qu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ne va pas laisser les croyants sans les récompenser pour leur foi et pour le bien qu'ils ont fait. Et il ne va pas laisser les criminels sans les punir et les rétribuer pour la mécréance qu'ils ont commis et le kufr qu'ils ont commis et les péchés qu'ils ont faits. Donc de prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas récompensé les gens qui méritent d'être récompensés et qui n'aurait pas puni ceux qui méritent d'être punis, de penser ce genre de pensée-là, ça ne convient pas avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas acceptable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans un verset qui est mentionné dans Sourate An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et c'est à Allah qu'appartient les cieux et la terre. Et c'est pour qu'il donne la rétribution à ceux qui ont fait le mal pour ce qu'ils ont commis, pour ce qu'ils ont fait, et qu'il donne la récompense à ceux qui ont fait le bien pour le bien qu'ils ont fait. Liyajzi alladhina asa'u bima amilu, ceux qui ont fait le mal, asa'u, il va les rétribuer pour qu'est-ce qu'ils ont fait, et ceux qui ont fait le bien, alladhina ahsanu, il va les récompenser pour al-husna qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait le bien. Et ça va être bien entendu au jour de la résurrection. Ça veut dire que des fois, on voit qu'il y a des gens qui font du bien et ils ont une certaine récompense dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont vécu dans la justice, dans le bien, dans l'honnêteté, et ils ont été récompensés dans cette vie d'ici-bas par toutes sortes de grâces de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que Allah leur donne la richesse, Allah leur a donné la santé, Allah leur a donné par exemple beaucoup d'enfants, beaucoup de biens ou bien du pouvoir sur la terre, et ils ont utilisé ça avec le bien. Et parfois les gens qui font le mal, eh bien ils vont être punis dans cette dunya. Peut-être qu'ils vont avoir une punition dans le sens que on va les attraper, on va les juger, ils vont être punis. Hein? On va les amener en cour, ils vont être punis. Ou bien des fois ils sont punis par une maladie, ou bien ils sont punis par un accident, ou bien ils sont punis de d'autres façons. Hein? Par l'égarement, c'est ça. Des fois c'est des punitions qu'on ne voit pas. Nous on ne voit pas, mais c'est une punition pour eux, dans leur cœur ou dans d'autres façons. Des fois c'est des récompenses aussi de d'autres façons. C'est pour ça. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un, on ne voit pas les résultats de son action dans cette vie d'ici-bas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui l'attend dans l'au-delà. Celui qui a fait le bien toute sa vie, mais qui a souffert toutes sortes de choses, de souffrances et de difficultés dans cette vie, il aura sa récompense dans l'au-delà. Et celui qui a fait toutes sortes de choses mauvaises et qui a vécu dans l'aisance et dans le bien dans cette vie d'ici-bas, eh bien, il ne va pas échapper sa punition et son châtiment. Dans l'au-delà, il va avoir qu'est-ce qu'il mérite. Mais c'est ça, c'est pour ça que le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en la résurrection, c'est ça qui vient mettre la justice. C'est ça qui vient mettre l'équilibre. Parce que les koufars qui croient que en cette vie d'ici-bas, eux, ils considèrent qu'il n'y a pas de justice. Pourquoi? Parce qu'ils disent, si quelqu'un a fait le mal toute sa vie, il n'a pas cru en Allah, puis qu'il meurt sans être puni dans cette vie, alors ça veut dire que lui, il n'a pas payé pour les crimes qu'il a fait, donc il s'est échappé de cette vie sans avoir à payer des comptes, et après la mort, il n'y a rien. Donc ça veut dire pour lui, donc c'est plus intelligent pour quelqu'un dans ce sens-là s'il ne croit pas en Allah, hein, ou s'il n'y avait pas de jugement dernier ou des choses de ce genre, ce serait plus intelligent de vivre pour satisfaire tous ses désirs et ses plaisirs dans cette vie d'ici-bas, puisque de toute façon, à la fin, que tu fais le bien ou le mal, tu ne vas pas être récompensé pour avoir fait le bien, et pour avoir fait le mal, tu ne vas pas être puni. Hein, ça, c'est leur logique, la logique matérialiste. Mais non, même si tu as réussi à t'échapper dans cette dunya avec le mal, avec l'injustice que tu as fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te laisser t'échapper au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ça veut dire, celui qui a fait une atome, une graine de moutarde de bien, il va la voir. Et celui qui a fait une atome de mal, il va la voir. Il va le voir. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui va échapper de la balance au jour de la résurrection. Rien du tout, même pas un atome. Donc, ça c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as échappé à la justice sur la terre, eh bien tu ne vas pas échapper à la justice dans l'au-delà. Hein? Et des fois tu vas avoir les deux. Tu vas être puni dans cette vie et dans l'autre. Et des fois tu vas être récompensé dans les deux. Si tu as été bon, tu vas être récompensé dans cette vie et dans l'autre. Mais sache que si jamais cette justice n'est pas établie dans cette vie, il y a une justice suprême et ultime qui t'attend dans l'au-delà. Et ça, c'est le fait de croire en ça, c'est ça qui vient mettre de l'équilibre dans tout ce qui se passe maintenant dans cette vie. Donc, justement, le cheikh, il mentionne plein de versets, un après l'autre, qui confirme ça et qui vient raffirmer cette notion-là pour les croyants. Comme le verset 21 dans Suratul Jathiyah. Al-Jathiyah. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça dit, est-ce que ceux qui ont fait du mal croient ou pensent qu'on va les mettre à égalité avec ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres? C'est-à-dire, ils vont être à égalité avec eux dans leur vie et dans leur mort? Comme ils ont mal jugé. Comme ils jugent mal. Ça, ama yahkumun. Ils ne vont pas être traités de la même manière. Il y a une différence entre les deux. Hein? Et l'autre verset aussi qui est mentionné, qui mentionne un peu dans ce sens-là la même chose, le verset 28 dans Surat Sad. Ces versets-là sont très importants. Le verset dans Surat Sad, le verset 28, est-ce que nous allons faire ceux qui, est-ce que nous allons juger ou placer ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres de la même manière que les gens qui font le désordre sur la terre? Ou est-ce qu'on va placer ou on va juger ceux qui sont pieux, qui sont des muttaqin, qui ont attaqwa, de la même manière que les fujjar, c'est-à-dire les pervers, les désobéissants, les pécheurs? On va les mettre à, la, à égalité? Non. Hein? C'est pour ça qu'il y a plein d'exemples comme ça. Les jeunes, ils mentionnent souvent des exemples comme ça. Et même dans les exemples que les jeunes rapportent, même dans leur... dans les leçons qu'ils prennent de la vie d'ici-bas, il y en a entre eux dans les choses qu'ils vivent entre eux. Par exemple, ils disent quelqu'un qui avait, quand ils sont jeunes, les jeunes, ils aiment souvent posséder des choses. Ils aiment posséder des choses, des belles choses. Et souvent, ils jugent quelqu'un par rapport à la quantité de biens qu'il possède dans cette vie. Donc, si quelqu'un, par exemple, il a réussi à avoir une voiture qui coûte cher, à avoir des vêtements qui coûtent cher, à avoir des bijoux qui coûtent cher, à avoir une femme qui est très très belle, que tout le monde désire, et qu'ils sont capables de montrer ça devant tout le monde dans la rue, les koufars, c'est comme ça qu'ils vivent. Et pour eux, c'est ça le succès. Le vrai succès, c'est ça. Posséder une grande maison, posséder une grande voiture, posséder une belle femme, posséder des belles choses et d'exposer ça et de montrer ça à tout le monde. Celui qui a réussi à avoir ça, peu importe par quel moyen, c'est lui qui a le succès. Ça veut dire même s'il a vendu de la drogue pour avoir ça, même s'il a tué pour avoir ça, même s'il a volé pour avoir ça, même s'il a fait tout ce qui est mauvais pour avoir ça, depuis qu'il a ça, c'est lui qui a le succès pour eux. Puis celui qui a rien, qui n'a pas des beaux vêtements, qui n'a pas une belle maison, qui n'a pas une belle femme, ou bien qui ne montre pas sa femme devant tout le monde, qui n'a pas des choses qui l'exhibe comme ça, de la richesse, et du confort, hein, et de l'aisance de la vie d'ici-bas, il considère que lui c'est un perdant dans la vie. Il n'a rien acquis, il n'a rien possédé, il n'a rien eu. Donc lui, il n'a pas de succès pour eux. Alors que le vrai succès, ce n'est pas ça. Le vrai succès, c'est quand tu vas être devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on va ouvrir ton livre et que tu vas être jugé et qu'on va placer tes actions sur la balance, c'est là que tu vas savoir est-ce que tu as eu le succès ou non. Maintenant, les jeunes, parfois, quand ils veulent, par exemple, arriver à vivre une vie et obtenir le plus vite possible qu'est-ce qu'ils désirent dans cette vie d'ici-bas, ils sont tentés. Ils sont tentés à emprunter ou à prendre des chemins qui leur amènent la richesse rapidement. Parce que c'est long de prendre le chemin, long, tu vois, d'aller petit à petit, puis d'étudier, travailler, hein, d'essayer d'accumuler de l'argent honnêtement pour arriver par la suite à la fin à obtenir des bonnes choses dans la dunya avec de l'argent halal et des moyens halal. Alors ils sont tentés de prendre des raccourcis pour arriver plus vite à obtenir ces choses-là. Donc ils vont dire, moi je vais vendre la drogue, ou bien je vais faire des vols, ou des crimes, ou des choses comme ça. Puis ils rentrent dans la voie du crime, et dans la voie des péchés, pour obtenir des choses. Parce que c'est ça leur objectif. Mais ils oublient qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà. Hein. Ils ne pensent pas, par exemple, à la vie des gens qu'ils ont détruits pour arriver à ça. Un État détruit la vie des gens, des populations même, des fois, pour ça. Mais au jour de la résurrection, et lorsque les anges viennent prendre ton âme, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Hein? Mais beaucoup de jeunes, étant donné qu'ils n'ont pas cru en Allah, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont pas encore atteint la foi et la sagesse qui leur permet justement de se préserver de ces tentations-là et de rester ferme sur le droit chemin. Donc, il mentionne aussi un autre verset, le Cheikh, le verset 115 dans Surat al-Mu'minun. Il dit, « Qala subhanahu wa ta'ala, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Est-ce que vous pensez que nous on vous a créé عبثا, c'est-à-dire sans aucun but, sans aucune raison, sans aucune sagesse, c'est-à-dire qu'on vous a créé en vain, qu'on vous a créé sans aucune sagesse, sans aucun but, sans aucune raison, de façon absurde, et que vous n'allez pas retourner vers nous. Donc là, c'est une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pose pour en fait montrer la fausseté de la pensée de ces gens-là, comment ils pensent mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il mentionne les versets aussi 36 à 40 dans Sourate Al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ Est-ce que l'être humain pense que il va être laissé comme ça à lui-même, qu'il n'aura pas de choses obligatoires sur lui à faire, qu'il n'aura pas d'interdiction à respecter, qu'il est créé comme ça, comme les animaux, comme les choses, il erre comme ça, il fait ce qu'il veut, il n'y a rien qui est obligatoire pour lui, il n'y a rien qui est interdit. Il vit comme les bêtes, et même peut-être que les bêtes sont mieux, ils vivent, peut-être que les animaux vivent mieux que lui, parce que les animaux, ils suivent une certaine règle que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de suivre, ils le suivent instinctivement, car Allah les a créés comme ça. Donc ils ne vont pas faire des choses qui dépassent leurs limites. Mais l'être humain, lorsqu'il n'a pas cru en Allah, et lorsqu'il a oublié les obligations qui sont sur lui, et qu'il ne respecte pas les interdictions, dans le sens qu'il ne s'écarte pas des interdictions, wa alaykum salam wa rahmatullah, eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Eh bien, il fait des choses qui sont mauvaises pour lui, et qui dépassent la limite d'Allah, et qui dépassent la limite même de la raison. Il se dirige vers sa destruction lui-même. Il se détruit lui-même. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on voit. Donc, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. أَلَمْ يَكُنُ طْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى. N'était-il pas juste une goutte de sperme qui a été éjaculée comme ça? C'est pour te montrer l'origine de d'où tu viens. Regarde d'où tu viens. Quelque chose que, si on prend un microscope, là, on a de la difficulté à voir. C'est de ça que tu viens. Donc, rappelle-toi de ton origine. Ton origine qui est, comme on dit, modeste, humble. Puis que, par la suite, tu te penses grand, puis tu veux renier ton Créateur. Réfléchis à ton origine, qu'est-ce que tu étais. Si l'un d'entre nous, qu'est-ce qu'il fait quand il a quelque chose, il crache par terre. Regarde la substance que tu craches là, cette substance que tu craches, tu vois comment elle est visqueuse, comment elle est dégoûtante. Eh bien, ton origine, elle ressemble un petit peu à cette origine-là, qu'est-ce que tu craches. Aujourd'hui, toi, tu... en particulier si c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers son Créateur, qui nie ses obligations envers lui, qui rejette le fait de s'abstenir des interdictions, regarde comment tu réagis maintenant envers ton Créateur qui t'a créé. Tu oublies d'où tu viens et tu penses que tu es au-dessus de tes obligations. ثم كان علقة فخلق فسوى. Puis ensuite, une fois que tu as été cette goutte là qui est rentrée dans le ventre de la mère, tu deviens quelque chose qui s'accroche à l'intérieur de l'utérus, tu commences à grossir. Allah, il t'a créé, il t'a modelé, il t'a formé à l'intérieur du ventre de ta mère. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. Et il a fait des hommes, soit des pères, soit mâle ou femelle. Est-ce que celui qui a fait ça, il n'est pas capable de faire revivre les morts? Celui qui a fait tout ça, il n'est pas capable de faire revivre les morts? Certes, il est capable de le faire et c'est facile pour lui. Et il mentionne une réponse au kuffar lorsqu'il posait la question: qui va faire revivre les os lorsqu'ils sont devenus de la poussière, lorsqu'ils sont décomposés dans la terre? من يحيي العظام وهي رميم. Lorsqu'ils sont devenus décomposés, qui sont devenus poussière. Allah subhanahu wa ta'ala répond, il dit: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي قدر على إحياء النار على إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الأموات. Donc le cheikh il dit, il répond à ce mécréant qui pose la question, qui va faire revivre le mort, alors ou qui va faire revivre les eaux après qu'ils sont séchés. Il dit, celui qui va les faire revivre, c'est celui qui les a créés la première fois. Donc de la même manière qu'il les a créés la première fois, il va les faire revivre. Et il est savant, il connaît toutes les créations. Il connaît toutes les créations et c'est lui le savant par rapport à la création. C'est lui qui a fait du feu à partir de l'arbre vert. Hein? Et voilà que maintenant vous allumez votre feu à partir de cet arbre-là. Dans le sens que l'arbre, quand il est vert, ça veut dire quoi? Il est frais, il est humide, il est mouillé. Tu ne peux pas mettre le feu dedans. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il assèche cet arbre et après tu le prends, tu allumes du feu avec. Hein? Donc ça c'est la preuve que yani, de la même manière il est capable de faire ça, il est capable de faire revivre les morts. Hein? Donc tout ça c'est des exemples qu'il donne pour faire comprendre aux hommes que la croyance en la résurrection, ce n'est pas quelque chose de compliqué ou de difficile à concevoir. Il y a plein d'exemples de cette résurrection-là autour de nous tous les jours. Et on est tous capables de le comprendre. وَمِنْ أَدِلَّةِ الْبَعْثِ الاستدلال بخلق السماوات والأرض فالذي خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان لأن القادر على الشيء العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne parmi les preuves pour la résurrection que il y a l'exemple de la terre et des grandes choses qu'il a créées parmi les grandes créations et parmi les créations qui sont dans l'univers. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer ces choses-là qui sont immenses, eh bien, il est encore plus capable de créer l'être humain qui est une chose petite, hein, très petite par rapport à l'univers. Et donc, c'est la preuve qu'il est capable de toute chose, qu'il a le pouvoir sur toute chose. Et donc, s'il est capable de faire les choses qui sont immenses et grandes et très compliquées, il est capable de créer des choses très très petites. Hein? Et nous, on sait maintenant, hein, avec toutes sortes de découvertes qu'on a fait maintenant, que même dans tout ce qui est petit, dans ce qui est très très très petit, il y a des choses très très compliquées aussi, même des fois. Donc c'est pour nous faire comprendre qu'en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est capable de faire ces choses-là, il est capable de nous recréer facilement. Et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'il voit tout, et qu'il entend tout, et qu'il sait tout, c'est quelque chose qui est inscrit dans la fitra de l'homme. C'est quelque chose qui est inscrit dans la fitra de l'être humain. Sauf que, parfois, ces choses-là sont corrompues. Cette fitra, elle peut être parfois corrompue à cause des fausses croyances. Comme par exemple, la croyance des athées, par exemple, qui imaginent que tout ce qui existe, c'est la nature qui se fait d'elle-même, puis que ça se transforme d'elle-même, puis que ça s'est fait tout seul. Cette fausse aqida, cette fausse croyance, elle a corrompu la fitra de beaucoup d'entre les hommes. Mais si tu leur parles et que tu leur expliques et que tu leur donnes des preuves et des explications et des arguments que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes ces choses, eh bien, Inch'Allah, ils sont capables de comprendre. Ils sont capables de comprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le créateur de toutes ces choses-là, parce que ça fait partie en même temps de leur fitra. Il s'agit juste de, disons, ramener leur fitra à l'état principal et primordial dans lequel elle était à l'origine. Hein? Donc c'est pas quelque chose de compliqué ça. C'est juste que parfois, ça se peut que l'être humain il l'oublie, ou il devient insouciant de ça. Hein? Parce que si on lui parle jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on lui parle jamais de la grandeur de son créateur, il devient un peu insouciant, indifférent de ça. Il commence à l'oublier. Mais si on lui en parle souvent et qu'on lui rappelle, eh bien c'est quelque chose qui fait partie de la fitra que Allah a mis en lui. Donc ça revient facilement. Et il dit ensuite, le cheikh, il dit, il mentionne d'autres versets qui prouvent ça. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Et وَقَالَ تَعَالَى لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. فهذه أدلة, أدلة فهذه أدلة البعث التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور وأنه يجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر فليكفر الكافر وليفسق الفاسق والزنديق والملحد فإن أمامه البعث والنشور والجزاء والحساب وأما المؤمن المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله فإن عمله لن يضيع فإن هناك موعدا يوفيه الله فيه عمله ويضاعف له أجره ويعطيه من لم يقع في ظنه وحسابه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, hein, il mentionne premièrement un verset, le verset 21 dans Sourate Yassin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, n'est-ce pas que celui qui a créé les cieux et la terre est capable de créer quelque chose de semblable à eux-mêmes? Certes, c'est lui le grand savant de toutes les créatures. Al-Khallaq, le grand créateur. Al-Alim, l'omniscient, celui qui a la science de toutes choses. Donc, de la même manière qu'il a été capable de créer des grandes choses, il est capable de recréer les êtres humains facilement. Et dans Sourate Ghafir, le verset 57, il dit, la création des cieux et de la terre est plus grande que la création des hommes. 57, le verset 57 dans Sourate Ghafir. Avant ça, c'était Yassine 81. Naam. Donc la création des cieux et de la terre est plus grande que la création des hommes, mais la plupart des hommes ne savent pas. Hein? Donc la création des cieux et de la terre, c'est immense. Hein? Et les hommes sont rien qu'une petite, hein? Petite chose dans cette création. Donc ça, c'est les preuves de la résurrection par lesquelles on peut affirmer et confirmer que Allah subhanahu wa ta'ala va faire ressusciter les tombes. Qu'est-ce qui est dans les tombes? Et que Allah subhanahu wa ta'ala va rétribuer chaque personne pour l'action qu'il a fait. Si la personne a fait du bien, elle aura une bonne rétribution. Si la personne a fait du mal, elle aura la rétribution pour le mal qu'elle a fait. Alors le cheikh, il dit, que le mécréant continue dans sa mécréance, que le fasiq continue dans son fisc, dans le péché qu'il fait, et que l'hérétique et l'athée et le mécréant continuent dans ces choses-là, parce qu'il y a devant eux quelque chose qui les atteint, et c'est la résurrection. Et c'est le rassemblement, et c'est la rétribution, et le jugement. Donc toutes ces choses-là, ça nous atteint. Et si on n'a pas respecté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun va avoir ce qu'il mérite. Chacun va avoir ce qu'il a mérité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque jour, on peut dire que chaque jour, tu es mis à l'épreuve. Des fois, tu passes une journée, tu dis, ah, aujourd'hui, c'était pas une bonne journée. Hein? Non, dans le sens que aujourd'hui, j'ai pas adoré suffisamment Allah. J'ai pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala correctement. J'aurais pu faire plus d'efforts dans mon adoration. J'aurais dû être un meilleur musulman aujourd'hui. Quand je dis une mauvaise journée, pas dans le sens tu dis que la journée elle-même elle est pas bonne. Non, c'est pas par rapport à la journée. Hein? On n'a pas le droit d'insulter le temps ou d'insulter les jours. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens de toi, qu'est-ce que tu as fait dans cette journée-là. Tu comprends? On fait kabarak. Donc, tu dis, demain je vais me reprendre. Aujourd'hui, j'ai pas fait assez d'exemples d'efforts pour être un bon musulman. J'ai pas fait assez d'efforts dans ma prière. J'ai pas fait assez d'efforts dans les adhkars. J'ai pas fait assez d'efforts dans les doros, le ilm. J'ai pas fait assez d'efforts dans les nawafil. J'ai pas fait assez d'efforts dans telle ou telle chose. Demain, je vais essayer d'être meilleur qu'aujourd'hui. Donc, chaque jour, on devrait essayer de se faire nos propres comptes. Et puis, la semaine, on fait la même chose. C'est-à-dire, tu regardes ta semaine. Comment elle a été ta semaine par rapport à la semaine précédente? Tu dis, bon, subhanallah, est-ce que j'ai augmenté ou est-ce que j'ai diminué? Et donc, tu dis, bon, je vais essayer la semaine prochaine d'être meilleur, de faire plus d'efforts. Puis le mois, la même chose. Est-ce que ce mois-ci, j'ai fait mieux que le mois passé ou non? Le mois prochain, je vais me reprendre. Est-ce que cette année, j'étais meilleur que l'année passée? Et donc, tu essaies de te reprendre l'année prochaine. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne toujours des possibilités. À chaque fois, il nous donne la possibilité de nous reprendre. Si on a fait plus d'efforts, alhamdulillah. Si on n'a pas fait assez d'amélioration et d'efforts dans notre vie, donc on essaie de devenir meilleur pour les jours qui suivent et les années qui suivent, ainsi de suite. Hein? Mais il ne faut pas toujours remettre à demain pour dire qu'on dit demain, je vais me reprendre et puis après on oublie. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-taswif? At-taswif, c'est-à-dire tu dis sauf à. Je vais. En français, on dit quoi? C'est la procrastination. Non, ça existe. C'est en français, en fait. Mais c'est juste que les gens ne l'utilisent pas, c'est pour ça. Oui, au vieux français. Donc, tu dis toujours demain. Bon, on va vous stalker. Barakallahu fik. Aussi les péchés. Tu vois, de regarder nos péchés aussi. Tu dis, bon, là, est-ce que j'ai fait tel péché? Bon, maintenant il faut que je me repente à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la porte de la repentir, de la repentance, elle est toujours ouverte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à la mort. Peu importe la grandeur des péchés que tu as fait, tu peux toujours te repentir et te réformer, te changer, te corriger, devenir meilleur. Avec les conditions. Mais il faut, bien entendu, toujours penser à ça. Et la base de la repentance, c'est le remords. Donc déjà, si quelqu'un il a le remords pour le mal qu'il a fait, c'est quelque chose qui est toujours, ça ramène toujours la bonne nouvelle que il peut toujours se réformer, se changer, devenir meilleur. Donc ça, c'est très important. Parce que les hommes, malheureusement, ils prennent des mauvaises habitudes. Et c'est difficile de perdre des habitudes. Quand des mauvaises actions, des péchés ou des comportements deviennent des habitudes, c'est pas aussi facile de les abandonner que, si c'est quelque chose que tu fais une fois comme ça. Donc, ça demande un travail sur soi-même. Ça demande beaucoup d'efforts. Il faut toujours être resté conscient d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je me rappelle, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. Je me rappelle plus c'était quoi la exactement, mais je me rappelle la réponse que je lui avais donnée. De demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'aide, parce que c'est quelqu'un qui fait pas la salat. Donc, je dis, dans ce cas-là, il disait, est-ce que je peux quand même faire des doigts à Allah si je fais pas la salat? En voulant dire, il ne fait pas la salat, donc est-ce que ça sert à quelque chose de faire des doigts? Je lui dis, oui, ça sert à quelque chose de faire des doigts quand même, mais fais des doigts pour demander à Allah de t'aider à établir la salat. Et fais les efforts et fais les causes pour que tu puisses établir la salat. Hein? Parce que quelqu'un qui prie pas, de commencer à faire la salat, ça demande vraiment une motivation, une détermination, puis il faut que la personne... faut que, hein? Exactement. Le fait de faire des doigts, c'est la clé, yani. C'est, disons, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on lui demande. Il aime qu'on lui demande. Et quand on lui demande, il n'aime pas nous laisser sans nous exaucer. Hein? Il est généreux, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas se gêner de lui demander. Il ne faut pas se gêner de lui, hein, de l'invoquer constamment pour qu'il nous donne de sa grâce et de sa miséricorde, pour qu'il nous pardonne de nos péchés et pour qu'il nous aide à devenir meilleurs à chaque fois. Et en particulier dans un contexte où on vit dans une société où il y a beaucoup de péchés autour de nous, il faut qu'Allah nous aide et il faut qu'on demande son aide pour nous protéger de toutes les choses qui sont autour de nous qui risquent de nous égarer. Donc le cheikh il explique, il dit: وأما المؤمن المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله فإن عمله لن يضيع. Celui qui a craint, qui est un croyant, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui se rapproche constamment d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses actions et par ses œuvres, alors tout ce qu'il fait comme action, ça ne va pas être perdu, ça ne va pas être gaspillé. فإن هناك موعدا. Parce qu'il y a un rendez-vous qui nous attend avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce rendez-vous-là, Allah subhanahu wa ta'ala va remettre à chacun les actions selon qu'est-ce qu'il mérite. Et les bonnes œuvres qu'il a faites, Allah subhanahu wa ta'ala va multiplier leur valeur. Et il va donner à la personne qui a fait le bien ce qu'il n'avait même pas imaginé comme rétribution, comme récompense. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu vas recevoir comme rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien que tu as fait, ça dépasse tout ce que tu peux imaginer comme récompense. Hein? Parce que nous, on pense toujours à des récompenses sur le plan de la dunya, mais les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, c'est multiplié et c'est plus grand que toute récompense qu'on peut imaginer dans cette vie. Hein? Donc, il faut avoir toujours l'espoir en la miséricorde d'Allah et faire les bonnes œuvres et faire les efforts. Naam. Donc ensuite de ça, le cheikh il explique un autre point, c'est qu'est-ce qui a rapport avec le jugement et la balance, les œuvres qu'on fait qui seront pesées dans la balance au jour de la résurrection. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit: wa ba'd al-ba'th محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Donc c'est le verset qu'on a mentionné tout à l'heure dans sourate An-Najm, verset 31. Et après la résurrection, ils seront jugés et on va prendre des comptes pour de leur compte. Et ceux qui ont fait des actions vont être rétribués pour les actions qu'ils ont faites. Et il mentionne ce verset-là, le verset 31 qui dit: et c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, pour qu'il récompense ceux qui ont fait le mal pour le mal, et qu'il rétribue, hein, les personnes qui ont fait le bien pour le bien qu'ils ont fait. Cheikh Al-Fawzan il dit: min a'mal yawm al-qiyama al-hisab wal-mizan. الحساب بمعنى مناقشة أهل المعاصي. فالمسلمون على أقسام يوم القيامة. القسم الأول منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والقسم الثاني من الناس من يحاسبون حسابا يسيرا وهو العرض فقط، ولا يحاسبون حساب مناقشة، وإنما يحاسب حساب عرض فقط، وهذا أيضا من السعداء. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والقسم الثالث من يحاسب حساب مناقشة، وهذا تحت الخطر لقوله من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. Ça c'est un point. Le cheikh il explique que parmi les choses qui vont arriver au jour de la résurrection, il y a les comptes. Allah va nous regarder nos livres et prendre nos comptes, enfin nous rendre des comptes. C'est-à-dire nous on va avoir des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à qu'est-ce qu'on a fait au jour de la résurrection, et il y aura le fait que nos actions seront pesées dans la balance. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de faire les comptes? C'est parce que en fait ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va disons regarder les comptes des gens qui ont commis des péchés, hein, et il va discuter de ça avec eux, et débattre de ça avec eux. Les musulmans donc sont divisés en différentes catégories au jour de la résurrection par rapport à justement ces comptes-là qu'ils vont rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. La première catégorie, c'est ceux qui ne vont pas être pris pour compte. C'est-à-dire, on va pas leur demander de compte du tout, et ils vont rentrer au paradis directement, sans châtiment et sans qu'on leur demande des comptes. Comme c'est mentionné dans le hadith des 70 000 qui vont entrer au paradis sans jugement, sans compte et sans châtiment. C'est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Imran ibn Hussein. Puis, la deuxième catégorie, ce sont la catégorie des gens qui vont être à qui on va demander des comptes, mais qu'on va les juger de façon légère, de façon facile. Et c'est-à-dire que ceux-là, on va seulement leur présenter les péchés et le mal, les choses qu'ils ont fait. Et c'est juste pour leur demander de rendre des comptes par rapport à qu'est-ce qu'ils ont fait. On leur présente leurs actions, c'est tout. Mais on va pas rentrer dans les détails de ça ou leur poser des questions sur ça, hein? Juste leur montrer et leur présenter. Tu vois, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, hein? Et eux, ils disent oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ceux-là sont parmi les gens qui sont les gens du bonheur. Comme c'est mentionné dans le verset 7, de 7 à 9 dans Sourate Al-Inshiqaq. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quiconque reçoit son livre par la main droite, alors celui-là va avoir des comptes à rendre qui sont légers, qui sont faciles. Et il va retourner heureux vers sa famille. Donc ça c'est cette catégorie là. Façon fayuhasabu hisaban yasira. Al-Inshiqaq, verset 7 à 9. Et il y a une autre troisième catégorie parmi les gens qui vont être à qui on va faire les comptes au jour de la résurrection, c'est la catégorie de ceux qu'on va questionner en détail sur les choses qu'ils ont fait et prendre quand on prend leur compte. Et ceux-là sont en danger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement dans le hadith qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha à ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man nuqisha al-hisab uzib, celui qu'on va commencer à poser des questions sur ses comptes, c'est sûr qu'il va être châtié. Si on commence à poser des questions sur ses comptes, il va être, hein, celui qu'on commence à examiner ses comptes, examiner et questionner sur ses comptes, c'est sûr que lui il va être châtié. Donc ça c'est la troisième catégorie. Et le cheikh il dit wa amma al-kuffar faqad ikhtalafa al-ulama'u fihim, parce qu'il y en a parmi eux des fois parmi les gens qui sont questionnés au jour de la résurrection, quand on leur demande est-ce que tu as fait ça ou ça ou ça, il y en a qui disent non, j'ai pas fait ça. Alors là, hein, c'est là qu'ils sont questionnés en détail sur ces choses-là. Et là, ils sont pris par, il y a des, Allah ramène les témoins contre eux. En plus de qu'est-ce qui est dans leur livre, son corps qui témoigne contre lui, ses membres qui témoignent contre lui, sa vue, sa peau même qui témoigne contre lui par rapport à qu'est-ce qu'il a fait. Donc il ne peut pas s'échapper de ça. Et lui, il a un châtiment difficile. Le cheikh il dit, « Wa amma al-kuffar faqad ikhtalafa al-ulama'u fihim, hal yuhasabun am la yuhasabun ?» فمن العلماء من يقول إن الكفار لا يحاسبون لأنهم ليس لهم حسنات وإنما يذهب بهم النار أو يذهب بهم إلى النار لأنهم ليس لهم حسنات ومن العلماء من يقول إنهم يحاسبون حساب تقرير أي بأعمالهم وكفرهم وإلحادهم ثم يذهب بهم إلى النار. Donc en ce qui concerne les kuffar, il y a divergence entre les ulama. Est-ce qu'ils seront eux aussi questionnés et tenus pour compte pour leurs actions ou non? Est-ce qu'ils vont être questionnés pour les actions qu'ils ont faites ou non? Et est-ce qu'ils auront des comptes à rendre de la même façon que les croyants pour leurs péchés ou non? Et est-ce qu'on va faire avec eux comme les croyants par rapport aux actions qu'ils ont faites? Et parmi les ulama, ils ont dit que non. Il y en a parmi eux qui ont dit non. Ils seront pas, on ne va pas leur demander des comptes parce qu'ils n'ont pas de bonnes actions du tout. Ils n'ont que des péchés. On ne va pas comptabiliser leurs actions parce qu'ils n'ont que des péchés. Ils n'ont pas de bonnes œuvres du tout. Donc on va les amener directement en enfer. Tandis que d'autres savants ont dit non. Ils vont être jugés et on va les tenir pour compte, on va leur demander des comptes seulement pour les humilier, hein, ou bien seulement pour leur demander d'affirmer qu'ils ont fait ça ou non, c'est-à-dire confirmer. Est-ce que vous n'avez pas fait ça? Oui, et ainsi de suite. Pour leur demander des comptes pour le kouf qu'ils ont fait, pour les péchés qu'ils ont fait, pour l'égarement qu'ils ont fait, des choses de ce genre. Et puis on les amène en enfer par la suite. Donc c'est ça la différence entre les ulama au sujet de ce sujet-là, sur cette question-là. Le cheikh dit ensuite, « Wal mizan ma'nahu al-ala allati tuzanu biha al-a'mal. Al-ibad tuza'u al-hasanatu fi kiffa, wa-sayi'at fi kiffa. » Qala ta'ala, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فإذا ثقلت السيئات خسر الإنسان وإذا ثقلت الحسنات ربح الإنسان وهذا الميزان ميزان الأعمال كذلك من أوتي كتابه بيمينه فحسابه يسير ومن أوتي كتابه بشماله فحسابه عسير وسيرى الأهوال والأخطار جسيمة ومن خطر إلى خطر في مواقف القيامة والحساب والحشر. هذه أمور هائلة لو فكرنا فيها. Donc le cheikh il dit que la balance elle va peser les œuvres. Et la balance c'est quoi? C'est un appareil ou un instrument par lequel on va peser les œuvres des serviteurs. Et plateaux, hein, deux plateaux sur lesquels on pose les œuvres. Le plateau sur lequel on met les péchés et le plateau sur lequel on met les bonnes œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à ce sujet-là, dans Surat al-Mu'minun, le verset 102-103, celui dont la balance sera lourde, c'est-à-dire lourde en bonnes œuvres, eh bien, ils auront été parmi ceux qui ont le succès. Et celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire que les bonnes œuvres seront légères chez lui, alors ceux-là seront ceux qui se sont perdus eux-mêmes. Et le cheikh il dit donc si les péchés sont lourds, l'être humain il s'est perdu lui-même. Et si les bonnes œuvres sont lourdes, eh bien l'être humain il a réussi, il a eu le succès dans ce cas-là. Et donc Allah va peser les œuvres des hommes. Donc c'est un instrument qui pèse, qui est une balance, mais c'est pas comme les balances de cette vie d'ici-bas. Dans le sens que quand on dit c'est pas comme les balances dans cette vie d'ici-bas, c'est que avec les balances dans cette vie, on peut pas peser les œuvres, mais au jour de la résurrection, Allah place ces balances là et on est capable avec cette balance de peser les œuvres des gens, les paroles qu'ils ont faites et les actions qu'ils ont faites, et on les met dans une balance. Et ça donne une valeur. Hein? Ça donne un poids. Hein? Il y a plusieurs. Parce que Allah, il dit dans, wa alaykum salam wa rahmatullah, Allah, il mentionne al-mawazin. Hein? Al-mawazin. Il mentionne dans un verset, il mentionne le mot mizan au pluriel. C'est-à-dire mawazin. Donc, il y a plusieurs balances ce jour-là pour peser les œuvres. Et donc, il y a aussi le fait que certaines personnes vont recevoir leur livre par la main droite, et ceux-là, ils auront un jugement facile, et d'autres vont recevoir leur livre par la main gauche, et eux, ils auront un jugement difficile, et des comptes difficiles. Donc, on voit que en fait, pour les choses qui se produisent, au jour de la résurrection, ce sont des grands événements qui sont dangereux, des grands dangers. Hein? Et que ça passe d'un danger à l'autre pour les gens qui sont du mauvais côté ou qui ont fait les mauvaises actions. À ce jour-là, ils passent d'une crainte et d'une peur à l'autre, en passant par les comptes, par le rassemblement et par toutes les choses qui vont se produire ce jour-là. Donc c'est bien pour chaque croyant, lorsqu'il est assis parfois, de s'asseoir puis de méditer sur ces choses-là, de réfléchir sur les significations de ces choses-là. Et quand vous êtes assis seul, par exemple, chez vous ou dans la mosquée ou quelque part, vous pouvez prendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lire les choses que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à ce sujet-là, et puis vous méditez sur ça et vous réfléchissez sur les choses qui vont se produire au jour de la résurrection. Et vous pensez à votre vie à vous et vos situations personnelles, et essayez de voir si vous étiez dans cette situation-là au jour de la résurrection, dans le sens que vous voyez par exemple par rapport à vous qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, et dire par exemple, moi si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais passer ces étapes dans la résurrection et tout ça dans le bien? Est-ce que Allah va être satisfait de moi? Et ainsi de suite. Et puis, le fait de réfléchir à ces choses-là, c'est comme si on se juge soi-même avant d'être jugé. Ça nous encourage à essayer de se réformer et de se changer avant justement que la mort nous atteigne. Avant que Allah subhanahu wa ta'ala vienne prendre notre âme pour justement qu'on rencontre notre Créateur, alors qu'il va être satisfait de nous. Hein? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit demander tout le temps à Allah. Hein? Oh Allah, fais que je meure avec la bonne fin et aide-moi à être un meilleur serviteur pour que tu sois satisfait de moi au jour de la résurrection. Donc ça, c'est des exemples comme ça qu'on doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est par rapport à ce verset. Non, on va juste compléter ça. Le cheikh il dit ensuite وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرْ وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرْ. Celui qui nie la résurrection, il a mécru. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Donc la preuve que celui qui nie la résurrection il est mécréant, c'est le verset 7 dans sourate At-Taghabun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ceux qui ont mécru pensent qu'ils ne vont pas être ressuscités. Dit certes par mon Seigneur vous serez ressuscités, puis il va vous informer de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique donc cette parole. Il dit قوله من كذب بالبعث كفر لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان ولأنه مكذب لله ورسله ولكتابه ولكتبه لأن الله جل وعلا أخبر عن البعث والرسل والرسل أخبرت عن البعث والكتب أخبرت عن البعث فمن أنكره فهو كافر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا الزعم هو الكذب أن لن يبعثوا فدلت الآية على إنكار البعث على أن إنكار البعث كفر يقولون ليس بعد البعث ليس بعد الموت بعث المشركون وعبدة الأصنام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجادلون بالبعث أإذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا من يحيي العظام وهي رميم donc le cheikh il explique que la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui dit quiconque renie la résurrection il a mécru c'est-à-dire qu'il a renié un pilier d'entre les piliers de la foi donc il a renié Allah et son messager parce que il a renié Allah et son et ses messagers et ses livres pourquoi parce que tout ça nous a informé de la résurrection c'est-à-dire Allah nous a informé de sa résurrection et les messagers Allah nous a informé de la résurrection les messagers nous ont informé de la résurrection et les livres qu'Allah a envoyés par ses messagers nous ont informé de la résurrection donc celui qui nie la résurrection il est kafir Et la preuve est dans ce verset, puisqu'Allah il dit, ceux qui ont mécru pensent, za'am. Donc za'ama ça veut dire, en fait c'est un terme qui mentionne ou qui prouve que la personne nie, elle a nié, qu'elle va être ressuscitée. Donc il nie qu'ils vont être ressuscités. Et la preuve, dans ce verset il y a la preuve que ces gens-là qui ont nié, La résurrection sont des koufars. Que celui qui nie la résurrection, il est kafir. Ils disent, il n'y a pas de résurrection après la mort. Donc les mushrikoun et les adorateurs d'idoles à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient toujours argumenter ou débattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la résurrection. Ils voulaient toujours argumenter et pour nier la résurrection avec, quand il parlait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dans le verset par exemple 11 et 12 dans surat An-Nazi'at Allah subhanahu wa ta'ala il dit A'iza kunna, il mentionne les paroles du mushrikoun quand ils disent A'iza kunna izaman nakhira est-ce que lorsqu'on va être des os qui sont décomposés qui sont devenu de la comme décomposé de la poussière et ils ont dit si c'est le cas alors ce sera un retour qui va être une perte si on est ressuscité de cette façon et le verset 78 dans sourate Yassine comme on a mentionné tout à l'heure man yuhyi al-'idham wa hiya ramim qui fait revivre les os alors qu'ils sont séchés Et parmi les exemples de discussions, de débats qu'ils avaient avec les messagers, le verset 35 et 36 dans Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إلى غير ذلك من مقالات الكفار من الأمم السابقة ومن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن كذب بالبعث فهو مع هؤلاء الكفرة Donc, le Cheikh il dit parmi les exemples c'est le verset qu'on a mentionné ils disent quoi ils disent est-ce qu'ils sont en train de vous promettre que lorsque vous allez mourir et que vous serez de la poussière et des os que vous allez ressortir par la suite hayhat hayhat lima tu'adun ça c'est une expression en arabe pour dire yani, ça c'est très très peu probable qu'est-ce que ces gens-là vous promettent C'est comme s'il renie la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il ne manque jamais à sa promesse. Et il mentionne également, donc ensuite le cheikh il dit, et il y a beaucoup d'autres exemples des paroles des koufars parmi les peuples précédents, parmi les mushrikines, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, qui par exemple niaient la résurrection. Hein? Donc ça c'est des exemples. Le cheikh il dit, « وَلَا يُنْكِرُ الْبَعْثِ إِلَّا كَافِرُ وَلَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى نَبِيَّهُ أَنْ يَقْسِمَ بِهِ على البعث قال قل بلى وربي وهذا قسم لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وهذه الآية إحدى الآيات الثلاثة التي أمر الله نبيه فيها أن يقسم على البعث. Donc le cheikh il explique que il y a personne qui nie la résurrection excepté un mécréant, et Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à son prophète de jurer par lui-même, c'est-à-dire de jurer par Allah qu'il y a une résurrection. Il dit قُلْ بَلَا وَرَبِّي. Il dit certes, oui, je jure par mon Seigneur. لَتُبْعَثُنَّ, vous allez être ressuscité. ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. Et le noun ici qui est un noun tawkid, ça veut dire le noun qui vient confirmer encore plus. Certes, oui, vous allez être ressuscité, et oui, certes, vous allez être informé de ce que vous aviez fait. Et dans ce verset, c'est un des trois versets dans lequel Allah ordonne à son prophète de jurer par lui, par Allah, de la résurrection. Le cheikh il dit al-ayat al-ula fi surat Yunus. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الثانية في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. فالله أمر نبيه أن يقسم به على البعث وعلى قيام الساعة. والآية الثالثة وهي التي معنا في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالحكمة من البعث هي جزاء العباد على أعمالهم. وقوله تعالى لتنبؤن أي لتخبرون بأعمالكم وتجازون بها. Donc ça c'est, le cheikh il dit qu'il y a trois versets dans le Coran par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il a juré, il a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de jurer par son Seigneur que ils vont être ressuscités. Le premier verset c'est le verset 53 dans sourate Yunus. Le deuxième verset c'est le verset 3 et 4 dans sourate As-Saba. Et le troisième verset, c'est le verset qu'on a mentionné dans Surat At-Tahabun, le verset 7 qu'on a mentionné. Donc le premier verset, il dit, et il te demande de leur informer, est-ce que c'est vrai? Ça dit, est-ce que c'est vrai la résurrection? Dit, oui, par mon Seigneur, c'est la vérité. Hein? Et le deuxième verset, c'est dans Surat Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont mécru, ils disent, l'heure ne va pas venir. Dit, oui, certes, par mon Seigneur, elle va vous venir. Hein? Et ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son prophète de jurer par Allah qu'il y a la résurrection et qu'il y aura la venue de l'heure du jugement. Puis le troisième verset, c'est le verset qu'on a mentionné dans Surat At-Taghabun. Et donc le cheikh il explique que là, parmi les exemples de la sagesse de la résurrection, c'est le fait de rétribuer les serviteurs pour les actions qu'ils ont faites. Et c'est pour ça qu'il dit que oui, certes, par mon Seigneur vous allez être ressuscité, puis on va vous informer des actions que vous avez faites. pour vous rétribuer pour ces actions-là. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, puis on continuera la suite au prochain cours, bi-iznillah, yani. Et donc il ne reste pas beaucoup pour compléter, inshallah. Donc on approche de terminer l'usul al-salasa dans peut-être 4 cours environ, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.